Qu'est-ce qu'on t'avait dit, bouffon? Allez, rompons. Qu'est-ce qu'on t'avait rompons, dit? Rompons, là. Allez, vas-y, crache la maille, crache la maille. Putain, j'étais parti de me cracher dessus. Tiens, hein, l'enfoiré. Putain, les flics, mal, putain. Putain, on a foutu chaud, là. On a tué un homme. Il voulait pas cracher la moulie, moulie. On a tué un homme. Un coup de parfait, de pas t'aider. On a tué un homme. Il voulait pas cracher la moulie, moulie. On a tué un homme. Un coup de parfait, de pas t'aider. On a tué un homme. Un jeu de 40 balais. Nous a bluffé car voulait pas chicrer à la monnaie. On avait fait marcher, qui voulait nous rouler. Le voilà dans la merde. On n'a rien à perdre. Eh ouais, à quoi les gamba wasi wana ça? Je parle en bas et ouais, les moyens c'est allé au gamba wasi madaba. Dans le monde de business, on est les meilleurs intouchables. Yes man, et pourtant on l'avait pas venu. Pourquoi il a osé? C'est de sa faute si on en est là. Mais putain, pourquoi il a fait ça? Maintenant on est dans la merde, besta. On a tué un homme. Il voulait pas cacher la moulie, moulie. On a tué un homme. Un coup de parfait, de pas t'aider. On a tué un homme. Il voulait pas cracher la moulie, moulie. On a tué un homme. À coup de parfait, de pas t'aider. On s'est égaré, car les chimites nous suivent. On sait pas où aller, c'est la course poursuite. Le volet est occupé par le commandant. Mais les chimites sont derrière nous, nous lâchons pas. Coule pas sur le vitre arrière. On a déjà décampé, impossible de faire marche arrière. Une rapone voilà wanted, recherché par les boulets dans tous les coins du street. Les flics en ont tous les mêmes, les FBI. Les journalistes en parlent, mais bon, nous on s'en bat. N'est-ce pas, docteur Besta? Ouais, je commandais ça. Charge les guns, on va les fumer. À gauche, putain, on bat du chemin. On ne se rendra jamais.